Poisson M.O.M.A. Sandka. Toujours au pire, on représente la tête toujours levée. Même quand il faut remonter la pente, on vise toujours le sommet. 6-2, département des oubliés, toujours les points serrés. Ici la rage nous a incarcérés, souvent démunis, mais pas désunis. On veut plonger la tête dans les yébis, pas dans la folie. On squatte les tours, ou les bétonnés tours, ou les condamnés tours, autour de nous comme des vautours. Les rimes pour hymne, le zeil pour sa contrime. C'est pas dans la boîte d'intérim qu'on va empocher la prime. C'est pas la prime qui nous anime, pas de cam, comme les stars et ta canne. On a la débrouillardise comme femme, pas de drame. Une seule antise que plombe canne, que le macadam éponge nos larmes. 60 de notre bannière, rap sec la manière. Attitude fière comme un légionnaire, comme ça qu'on opère. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. Oui, c'est que je me présente, 6-2, je représente mon son. Tiens au cœur comme SI2LY, tiens au vent, c'est 2840. Toujours pas prêt de s'envoler, regardez MOMA. Tout en haut, mets-toi à l'heure au XY, Momo. C'est pas le quart d'heure de venir tester. Je pose un feat du tonnerre, un putain de son qui m'éclaire et dans le ciel crée un éclair en clair. Je veux poser numéro 1, dédicace aux calaisiens sans oublier les haïtiens. Pour les miens sur le beat, bordélique, je mets la trique, la panique dans ma musique. Pas d'électronique, MOMA, nique la tectonique. Et alors sur l'instru, je joue pas l'intru, MOMA. Pas un son que te pue avec mon rap, t'es perdu, je te sème avec mes rimes, MOMA. T'assassine, va pleurer auprès de tes copines. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. Je présente ma section MOMA, production. Je passe à l'action, discret, couleur caméléon. Démonstration MOMA, production. On passe de l'impasse, putain, nique sa race. Trop de faux MC, me suivent à la trace. Mon flow les efface. Mon mot la menace, 6-2-4-0 la dédicace. On passe de l'ombre à la lumière, jaloux, je les baisse, pépère. Le 62 notre père, MOMA, nique la censure. Des gains au mic, c'est sûr. Un son lourd sur l'album issu de secours. Fabriqué avec les moyens du bord, on représente les mecs du nord. J'avance lentement mais sûrement, en représentant mon 62 département. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec, comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec, comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec, comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes vents. 6-2 on représente, arrivée imminente. Ça rap sec, frappe sec comme ça qu'on se présente. CENTK, MOMA, crois pas qu'on plaisante. C'est le bitume et c'est rime sale, sors le beat dans tes ventes.